Du coup, moi, je vais parler plutôt de la problématique des stéréotypes qui sont liés au rôle de femme dans le cinéma d'action et de science-fiction. Et je baserai mon propos sur une enquête qui a été produite il y a quelques années, qui constituait le socle d'un travail de mémoire, qui étudiait la construction de personnages de femmes puissants dans le cinéma d'action et de science-fiction, et du rôle des stéréotypes, justement, de genre dans la construction du personnage et de l'arc narratif. Alors, la fonction du stéréotype, elle est double. D'une part, elle permet la projection, l'identification du spectateur à un personnage, mais aussi, ça peut être un outil, un instrument de pouvoir qui est destiné à cacher des intérêts et des stratégies. Donc, l'objectif, là, était vraiment de comprendre dans quelle mesure, en fait, l'usage de ces stéréotypes, il permettait de légitimer les rapports de pouvoir entre les genres. Et donc, je me suis centrée sur le cinéma d'action et de science-fiction parce que, d'une part, bah, les films d'action et de science-fiction, ça constitue deux genres cinématographiques où les rôles féminins, ils tiennent une place subalterne. Certains films d'action et de science-fiction mettent aussi, par contre, en scène des personnages féminins dans des rôles principaux et qui mettent en scène surtout un personnage très émancipé et présenté vraiment comme l'égal de l'homme. Alors, j'avais sélectionné 10 films, tous succès au box-office, qui présentent donc des personnages féminins forts, manifestement émancipés, qui partaient donc à partir des années 70 jusqu'aux années 2010. Ici, je synthétiserai en me concentrant sur 5 films, soit un par décennie. Donc, le premier, ce sera L'espion qui m'aimait, qui est sorti en 1977, qui fait partie de la série James Bond, hein, inspiré du livre Motel 007 de Ian Fleming, qui est réalisé donc par Lewis Gilbert et produit par Albert Broccoli pour Eon Productions. James Bond là, est joué par Roger Moore et sa complice, enfin son allié, on va dire, Anya Amasova est jouée par Barbara Bach. Le deuxième film des années 80 cette fois, c'est Alien le retour, donc deuxième de la série Alien, film de science-fiction donc produit par James Cameron, co-écrit par James Cameron aussi, Walter Hill et David Giller. C'est la suite de Alien le huitième passager qui est sorti un peu plus tôt en 1979 et qui avait été réalisé par Ridley Scott. Le film a été produit là par Gail Ann Hurd, donc une femme. On peut noter tout de même que c'était à l'époque la conjointe de James Cameron. Donc la question reste ouverte quant à leur collaboration et les rapports de force qui pouvaient se passer entre la production et la réalisation. Et les maisons de production, donc Brandywine Production, SLM Production Group et la 20th Century Fox. Le personnage principal, là, Ellen Ripley, est joué donc par Sigourney Weaver. Pour les années 90, on a G.I. Jane, donc un film réalisé par Ridley Scott, film d'action hein, écrit par Daniel Alexandra et David Twohy, coproduit par Roger Birnhom, Ridley Scott, Demi Moore et Suzanne Todd, et les maisons de production Caravan Pictures, Hollywood Pictures, Largo Entertainment, Roger Birnhom Production et Scott Fee Production. Alors là, on peut voir aussi, petit aparté, que des femmes ont quand même été coprodes du film, mais les maisons de production auxquelles elles se rattachent sont toutes tenues par des hommes, donc Roger Birnhom et Scott Free Production pour Ridley Scott. Dans les années 2000, donc, on a les deux films Kill Bill, réalisés par Quentin Tarantino, écrits aussi par Quentin Tarantino, dont le produit donc par Lawrence Bender et le fameux Harvey Weinstein pour les maisons de production Miramax Film, donc la maison de production de Harvey Robert Weinstein, et A Band Apart, qui est la maison de production de Quentin Tarantino. Et enfin, pour les années 2010, on a le deuxième opus de Sin City, A Dame to Kill For, sorti en 2014. Sin City, donc film de science-fiction réalisé par Frank Miller, Robert Rodriguez. Et l'équipe de production, c'est aussi Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino, Aaron Kaufman et aussi Bob et Harvey Weinstein. Donc là, les acteurs et actrices principaux qu'on verra, ce sera Eva Green et Josh Brolin. Alors, tout d'abord, on va voir un peu comment les stéréotypes de la puissance, de la violence sont rattachés au masculin et en fait valorisés dans la construction de l'arc narratif. et de l'identité du personnage, mais aussi comment les stéréotypes rattachés au féminin, notamment celui de l'instinct maternel et celui de la femme fatale, vont rester entichés quand même au personnage d'une femme qui est pourtant présentée comme une femme guerrière, une femme forte, etc. Alors, tout d'abord, on va voir donc comment les rôles de femmes, en fait, vont participer ces rôles de guerrière, elles vont participer en fait d'une construction masculine. Alors, tout d'abord, vraiment dans le cinéma, on voit qu'il y a une pyramide des métiers au sein de laquelle les postes nobles, donc postes de réalisation, postes de production, vont être majoritairement occupés par des hommes, comme on a pu le voir d'ailleurs sur ces films. Et les actrices vont être très souvent soumises aux décisions du réalisateur, hein, qui a une place vraiment centrale dans le processus de création. Et cette centralité, notamment lorsque celui-ci va jouir d'une forte renommée, va rendre difficile la conscientisation en fait, des relations de domination qui peut exister sur un plateau de tournage. Et comme l'expliquent d'ailleurs Pinto et Marie dans « Sociologie du cinéma », un ouvrage sorti en 2021, le rapport de force entre le réalisateur et les autres professionnels présents et présentes sur le tournage vont s'éclipser souvent par la volonté de participer à un projet artistique ambitieux. Et donc cette relation de pouvoir, elle va entre le réalisateur et puis le reste de l'équipe, elle va être parfois accentuée par une relation de domination genrée. Et donc là, il peut exister des formes de violence physique, psychologique, symbolique de la part du réalisateur sur les actrices, en s'inscrivant donc dans un rapport de domination masculine. Comme on a pu le voir notamment ces derniers temps avec les déclarations de Judith Godrèche. Les violences, elles peuvent aussi prendre la forme donc d'humiliation, comme ce fut le cas, par exemple, de Quentin Tarantino envers l'actrice Uma Thurman lors du tournage de Kill Bill. Dans une interview qu'elle a livrée au New York Times en 2018, l'actrice explique les pressions subies de la part du réalisateur, pour tourner une scène qui est d'ailleurs mythique du film, où elle est censée conduire une voiture. L'actrice avait explicitement exprimé le fait d'être mal à l'aise et le fait de vouloir que ce soit une cascadeuse qui réalise cette scène. Et puis Tarantino, n'aurait, pour citer Uma Thurman, n'aurait pas apprécié qu'on lui dise non, et il avait été furieux, donc il lui avait mis la pression pour que finalement la scène se tourne. Ce qui en a résulté, c'est que finalement la voiture s'est crashée et que Uma Thurman a gardé des dommages corporels à vie. Donc après l'accident, Uma Thurman avait demandé la copie vidéo de la scène, demande qui a été refusée par Harvey Weinstein et Tarantino. Et donc l'actrice a déclaré au New York Times s'être sentie objectifiée et, comme un outil cassé. Donc « I went from being creative contribution and performer to being a broken tool ». Donc vraiment, elle a été décrédibilisée dans son rôle de contributrice au projet artistique. Et puis, elle va expliquer aussi comment Tarantino avait, sans hésitation, dans une autre scène, lui avait craché au visage pour le besoin de cette scène en refusant d'utiliser de la fausse salive. Dans Kill Bill, scénarisé et réalisé par un professionnel de renommée vraiment mondiale, hein, Tarantino, la domination hiérarchique va être doublée d'un rapport de force genré avec son actrice principale en lui imposant des scènes qu'elle a acceptées sous la contrainte vraiment et qui vont constituer une forme de violence physique mais aussi une forme de violence symbolique. Si ces films présentent, comme on l'a dit, des personnages féminins émancipés, soi-disant, cette émancipation, elle est cependant le résultat d'une construction vraiment masculine. Donc dans G.I. Jane de Ridley Scott, le film en fait relate l'histoire de la lieutenante Jordan O'Neill, qui est jouée par Demi Moore, et qui est le sujet d'une expérimentation visant à intégrer les femmes dans les marines. Alors O'Neill, ce qu'elle doit faire, c'est vraiment survivre à des semaines intensives où tous les candidats sont des hommes, entre lesquels elle doit apprendre à s'intégrer. Donc ce sont les hommes qui fixent non seulement les conditions d'entrée, mais aussi d'évolution, d'émancipation des femmes au sein des forces spéciales. Mais ce sont aussi les hommes qui vont composer, qui vont évaluer, qui vont juger le programme d'entraînement, etc. Et puis, au final, l'évolution de l'apprenti soldate, elle va être vraiment construite par les hommes. C'est grâce à leur entraînement qu'elle va fabriquer en fait sa force physique et mentale. Et enfin, eh ben c'est grâce aux hommes aussi, là encore, qui vont posséder le mot final, finalement, dans son émancipation professionnelle, qu'elle va pouvoir accéder à une gradation supérieure. Donc, à la fin du film, on voit bien que le Master Chief, qui est joué donc par Viggo Mortensen, va lui remettre un nouveau grade et donc un insigne, et c'est lui qui lui offre donc la possibilité d'aller vers de nouveaux horizons professionnels et de ne plus être cantonné à certains postes. Là, on va vraiment observer aussi le même procédé sur Kill Bill, avec le personnage qui est joué donc par Uma Thurman, Beatrix Kiddo. Donc elle a été victime d'une attaque sanglante le jour de son mariage, dans lequel elle a perdu à la fois son compagnon, mais aussi l'enfant qu'elle portait. Et ce qu'on apprend, alors oui, je vous ai pas dit, mais gros spoiler alerte hein, dans cette communication. Mais ce qu'on apprend, c'est donc c'est qu'avant son mariage et cet enfant, Kiddo, elle était membre d'un gang dont le leader donc est Bill, qui est aussi son ex-compagnon et père de l'enfant. Et donc ce qu'on voit surtout au cours du deuxième opus de Kill Bill, c'est que même si Kiddo c'est vraiment une guerrière redoutable, mais c'est parce qu'elle a été formée par deux hommes, donc Bill, le leader du gang, mais aussi Pai Mei, un vieux maître que Bill lui recommande, enfin qui lui ordonne d'aller voir, et qui va lui apprendre vraiment toutes les techniques de combat et la former vraiment pour lui faire gagner en endurance et en force physique. Et puis, ce qu'on peut se demander aussi, c'est que ces personnages donc, qui ne sont pas cantonnés vraiment à des rôles professionnels et sociaux, qui accèdent à des postes à responsabilité, qui peuvent jouer un rôle donc, très déterminant dans une guerre ou dans une lutte, on pourrait l'envisager comme une forme d'empowerment, vraiment, vu comme une conscientisation donc, de son pouvoir d'action, et aussi de regagner un pouvoir qui avait été subtilisé aux personnages. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est qu'un premier paradoxe, c'est que cet empowerment, en fait, il va en lien avec une certaine violence physique ou sexuelle, donc qui se passe un peu en parallèle de ce processus d'empowerment. Donc, pour reprendre aussi l'exemple de G.I. Jane, donc le O'Neill, donc Demi Moore, est confronté à une simulation dans laquelle le Master Chief veut s'assurer que les apprentis sont dignes de confiance et donc ne céderont pas à la torture. Donc là, elle va être torturée, frappée pendant de longues minutes jusqu'à ce qu'elle perde connaissance complètement, puis se relève. Et donc, c'est vraiment le fait de se relever qui va le faire que le Master Chief va la féliciter, que tous ses coéquipiers vont l'applaudir. Et donc, pour être digne de confiance et traité comme un égal, le personnage féminin doit pouvoir tenir les coups, elle doit pouvoir ne pas céder à la pression, elle doit être immunisée vraiment à la violence, et c'est par les coups et la torture qu'elle va pouvoir trouver sa place parmi les hommes et qu'elle va pouvoir être non seulement respectée, mais aussi respectable. Et qu'elle va pouvoir donc intégrer l'équipe pleinement et maintenir sa place dans l'entraînement. Et donc, c'est vraiment par la capacité à résister à cette violence physique que O'Neill devient respecté, qui va lui permettre d'acquérir un statut et de regagner ce pouvoir qu'elle avait perdu par la décrédibilisation qu'elle avait subie de la part de ses coéquipiers. Et puis, dans Kill Bill, là, ça se passe plutôt au niveau de derrière la caméra. Donc, on a vraiment... aussi une histoire où donc Béatrice Kiddo va chercher à se venger des assassins de sa fille, mais aussi du pouvoir qui a été dont elle s'est vue dépossédée vraiment. Et vraiment, le film Kill Bill délivre un message d'empowerment des femmes. C'est d'ailleurs ce dont l'objectif qui est affirmé par Quentin Tarantino dans une interview, notamment en 2003. Il expose le souhait de voir des petites filles regardant Kill Bill parce qu'il assure que ce film empowers women. Donc il ajoute que les personnages féminins de Kill Bill ne sont pas des petites filles qui rigolent bêtement, mais plutôt des guerrières qui se laissent pas faire et qui n'hésitent pas à s'opposer aux hommes. Et donc Tarantino, il expose ici clairement le désir de mettre en scène des personnages féminins forts qui contrastent avec la représentation habituelle des femmes au cinéma. Mais bon, cette volonté d'empowerment, elle reste complètement incohérente du coup avec la réalité du plateau de tournage, non seulement par celle qu'on a pu énoncer précédemment, mais aussi sur le fait que Uma Thurman a dénoncé des abus sexuels de la part d'Harvey Weinstein, dont Quentin Tarantino était au courant sur le tournage du film. Donc ici, la volonté du film de faire regagner le pouvoir vraiment aux femmes, ça devient complètement ambigu parce qu'il devient à la fois le créateur de personnages féminins émancipés et puissants, mais à la fois le générateur de violences symboliques et physiques. Et puis, alors, cet empowerment, le fait de retrouver de la puissance pour les héroïnes féminines, c'est souvent lié au fait de pouvoir aussi rivaliser et surpasser les hommes. Donc les hommes, ils deviennent vraiment un moyen de repère, un élément majeur de mesure de la force et de la réussite. Alors par exemple, dans G.I. Jane, le personnage de Neil décide de se raser la tête pour pouvoir s'intégrer parmi les hommes et de plus être vue comme féminine. Donc cet extrait peut faire aussi penser à la même, peut faire écho en tout cas à la scène du troisième opus d'Alien où Sigourney Weaver aussi décide de se raser la tête au cours du film. Et donc ça va constituer vraiment un palier dans l'intégration parmi les hommes, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de tout symbole de la féminité, et donc là, contrairement au mythe de Samson dans lequel la force du guerrier est vraiment contenue dans les cheveux, là c'est vraiment l'inverse, les cheveux représentent plutôt la faiblesse parce qu'ils sont assimilés à une caractéristique féminine. Et donc là c'est vraiment arriver à devenir des dominantes en se débarrassant de toute forme de masculinité, mais aussi du coup en acquérant des caractéristiques masculines pour faire partie de la bande. Comme on peut le voir aussi dans G.I. Jane, ça va aussi de pair avec un rejet du féminisme, c'est-à-dire qu'elle exprime non seulement un désir de pouvoir entrer dans les forces spéciales et de pouvoir s'intégrer et de pouvoir faire acquérir un nouveau statut aux femmes, mais à la fois, ce qu'elle dit, c'est vraiment qu'elle lutte pas du tout pour le droit des femmes, il y a une forme de rejet total du féminisme qui est du coup discrédité. Pour finir rapidement, je voulais vous faire voir. Il me reste combien de temps là ? Pas beaucoup. Alors, ce que je voulais vous faire voir, c'était surtout sur les affiches de films, un peu comment on peut se rattacher à certains stéréotypes. Par exemple, dans le. Pour revenir rapidement sur l'histoire de Alien, dans le premier opus, l'équipe du Nostromo, c'est un vaisseau commercial, il s'arrête sur une planète désertique et bim, il tombe sur un alien. Du coup, il commence à lutter contre l'alien et puis finalement, la seule qui survit, c'est Ellen Ripley. Elle se réfugie dans une navette de sauvetage et puis elle est retrouvée 107 ans après, qui constitue donc le deuxième opus. Dans le deuxième opus, donc on lui demande en fait ce qu'il est arrivé de l'équipage parce que tout le monde est mort. Et donc elle commence à leur expliquer et tout le monde dit non mais tu dis n'importe quoi, Ripley, parce que la planète elle a été colonisée depuis. Finalement, quelques temps après, ils se rendent compte que la liaison avec la planète en question, il y a plus de liaison parce que plus personne répond. Donc ils se disent peut-être qu'elle avait pas tort, Ripley. Donc ils la renvoient sur la planète. Et effectivement, tout le monde est mort, à l'exception d'une petite fillette qui s'appelle Newt et qui retrouve dans les décombres du réseau. Sur l'affiche, donc on voit vraiment comment Ellen Ripley elle est présentée vraiment comme une mère. Elle met en avant notamment le sauvetage de la fillette qui est accrochée à son cou. Elle a une arme dans la main. De l'autre, elle sert Newt en exprimant vraiment son désir de pouvoir la protéger, de la rassurer, etc. Vraiment, on voit tout au long du film, dans Alien, que le stéréotype de la mère idéale est introduit lors de la rencontre vraiment avec Newt. Elle se prend d'affection pour elle immédiatement et puis elle se retrouve limite transformée à la vue de la fillette. Ripley, elle est vraiment renfermée sur elle-même, elle parle que très peu depuis le début de la mission et là son visage va commencer à s'ouvrir, elle va se mettre à communiquer, elle va rassurer la fillette pour l'amener à sortir de sa cachette, contrairement à ses homologues masculines masculin qui se montre très brusque. Et puis, plus tard, lorsque l'équipe va tenter d'exterminer les aliens, Ripley va se charger de mettre la fillette au lit, elle va la bercer. Donc, on va vraiment avoir non seulement ça, et puis un parallèle entre elle et la fille de Ripley. On apprend qu'elle avait une fille qui est décédée. Et vraiment, il va y avoir cette espèce d'écho entre une nouvelle création de figure d'enfant qu'elle pourrait recréer avec Newt. Et puis deuxième stéréotype, c'est le stéréotype de la femme fatale. Donc là on peut le voir notamment sur L'espion qui m'aimait, avec le personnage d'Anya Amasova. Donc dans une des scènes du début du film, les deux personnages de James Bond et Anya Amasova viennent de se procurer un microfilm qui contient des informations relatives à Stormberg, le méchant de l'histoire, et donc ils s'échappent sur un bateau. Et puis on observe une scène de séduction mutuelle entre James Bond et l'espionne. Tandis que James Bond tente un rapprochement, l'espionne lui répond « Vous n'essayez pas d'abuser de moi ?» Mais on voit que c'est quand même quelque chose où elle a un petit sourire malin, ça n'a pas l'air de la déranger tant que ça. Anya, elle profite de ce moment de séduction finalement pour gazer Bond et puis s'enfuir avec le microfilm. Donc vraiment, elle use de ses charmes pour pouvoir accéder au microfilm. Et donc c'est en utilisant vraiment son pouvoir de séduction que l'espionne elle va parvenir à écarter les soupçons de James Bond et à le neutraliser. Et donc plus tard, le personnage d'Anya va être qui était retenue prisonnière et secourue finalement par James Bond. Elle va porter une brassière qui laisse paraître une grande partie de sa poitrine. Donc la sexualisation là du corps encore, elle est accentuée par des plans et des postures qui permettent de mettre en avant l'aspect physique du personnage féminin. Et donc dans l'image par exemple qu'on peut voir ici, on voit que Anya, elle a une interaction avec James Bond, mais elle n'est pas totalement tournée vers lui. Son visage seulement est vraiment incliné, mais son corps, il reste droit et ça permet d'être visible vraiment à la caméra. C'est renforcé par un plan en plus en plongée qui permet de mettre en avant donc la poitrine du personnage. Et dernière chose avant de finir, là c'est pareil pour Sin City, A Dame to Kill For. Le personnage d'Ava, il est construit sur le stéréotype vraiment de la femme fatale. Elle arrive à manipuler donc son ancien amant par la séduction et par son physique. En utilisant la sexualité, Ava, elle va parvenir à convaincre son ancien amant de tuer son mari, qui est un homme riche et puissant et dont elle veut s'accaparer la fortune. Et donc là, l'affiche du film, par exemple, ça montre bien cette sexualisation justement d'Eva Green. Affiche qui a notamment été censurée par la MPAA en France, qui jugeait que la courbe du sein, l'auréole et le téton étaient trop visibles à travers le tissu transparent. Et donc l'affiche, on voit bien le contraste entre l'affiche d'Eva Green et l'affiche où on voit Joseph Gordon-Levitt, qui lui joue le personnage de Johnny, présenté en costume noir, un œil au beurre noir qui met un peu en avant son côté bagarreur, dangereux, masculin, plan en contre-plongée avec la ville vraiment en arrière-plan, qui met vraiment la supériorité, la domination du personnage et la conquête de l'espace urbain extérieur. Et à l'inverse, Eva Green, elle est présentée dans un plan aussi en contre-plongée, mais avec un arrière-plan plus mystérieux, avec des espèces de stores. On a l'impression qu'on est dans une chambre. Donc là, c'est vraiment tout de suite la référence à la sphère domestique et à la sphère de la chambre surtout. Donc la supériorité là, de cette femme, elle se laisse s'exprimer donc dans la chambre, qui met encore en avant le côté sexuel du personnage qui déploie sa domination grâce à sa sexualité et à son physique. Donc pour conclure, vraiment, si la plupart des personnages féminins étudiés sont caractérisés par leur force mentale et physique, on fait d'elles des personnages de guerrières, des éléments de l'intrigue, des stratégies esthétiques, ou des techniques de filmage vont permettre finalement de rendre ces personnages plus féminins en la rendant soit femme fatale, donc soit femme maternelle, Et il semble donc exister une espèce de double injonction dans la réalisation et la production des films, dans lesquels les femmes doivent s'approprier des caractéristiques masculines pour devenir des personnages respectables et valorisés, tout en gardant des caractéristiques féminines qui va permettre finalement de les humaniser et ou de les objectifier. Et donc, si l'objectif assumé du film, donc le message vraiment manifeste, pour reprendre les termes d'Adorno, ça semble être féministe, parce qu'il permet de mettre en avant finalement des figures féminines, de les rendre puissantes, qu'on ait un système qui les exploite. Finalement, le message caché, c'est celui qui est susceptible donc de s'immiscer dans l'esprit du spectateur. Ça va vraiment être le renforcement de l'ordre social établi, d'une hiérarchisation des rôles et des genres surtout. Et donc la personnalité masculine reste celle qui doit être mise en valeur parce que c'est celle qui permet en fait à l'héroïne de gagner son combat, tandis que la caractéristique féminine place obligatoirement celle-ci dans une position de soumission. Alors soumission à un instinct maternel, soumission au regard de l'homme, la sexualisation, ou soumission de son corps à l'acquisition de codes masculins. Et puis si le stéréotype dans la construction des personnages donc sert donc a pour fonction vraiment de créer des personnages facilement identifiables, donc de pouvoir se projeter, il va finir par être aussi générateur d'inégalités parce qu'il permet de consolider et de reproduire des normes de genre binaires traditionnelles.